Et bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode de Speedrunner, l'envers du décor. Ici Aldra pour vous accueillir et j'ai avec moi mon associé Selfcore. Bonjour à toutes et à tous, bien heureux de faire cette première avec toi Aldra, mais en l'occurrence je crois que tu as sorti le champagne, le tapis rouge et les petits fours, mais c'est pas que pour moi quoi. Ah non, bien sûr évidemment, parce que nous avons un invité de marque avec nous en la personne de NeoSlash72. Bonjour Neo. Salut à tous. Donc avant de faire une petite présentation, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ce que tu fais dans la vie, etc. Deux petits mots pour nos auditeurs. Mon pseudo c'est NeoSlash72, mais vous pouvez tous m'appeler Neo. Tout le monde m'appelle Neo. Donc je viens du Mans et puis ma passion c'est les jeux vidéo, comme beaucoup de monde je pense. Voilà. Et donc justement vu qu'on parle en fait on va parler de speedrun de jeux vidéo, donc avant de commencer on va d'abord parler de qu'est-ce que le speedrun pour ceux qui ne connaissent pas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le speedrun c'est l'objectif c'est de finir un jeu le plus vite possible en abusant ou non suivant les catégories des problèmes de programmation qu'il y a dans les différents jeux laissés par les programmateurs. Par les programmeurs, je veux dire. Et donc justement, vu qu'on parle de jeux vidéo d'abord, Neo, quel est ton passé avec le jeu vidéo? Comment tu y es venu? Quels sont tes coups de cœur? Ce genre de choses. Alors, j'y suis venu assez tard au jeu vidéo parce que mes parents étaient contre les consoles. Pour eux, c'était de la perte de temps. Donc du coup, à partir de mes, je dirais, 17-18 ans, j'ai commencé avec Nintendo 64. Puis enfin, un pote m'a vendu une PlayStation 1. Là, dans un bric-à-brac, j'ai trouvé Final Fantasy VII, qui était vraiment mon premier jeu. J'ai mis du temps à le finir parce que c'était mon tout premier RPG. Et donc du coup, j'ai tout de suite accroché. Après, j'ai testé différents jeux, comme des Silent Hill, Resident Evil, etc. Mais c'est vrai que c'était pas aussi accrocheur pour moi que les RPG. Donc du coup, j'ai décidé de me concentrer quasiment que sur des RPG. Donc j'ai acheté quasiment que ça. Et donc du coup, je me suis fait une belle collection avec les Suikoden, les Breath of Fire, etc. Donc du coup, plein de jeux qui sont pas forcément connus, parce qu'ils sont dans l'ombre des grands Final Fantasy, mais de très bons jeux quand même. Et donc, d'après toi, justement, vu qu'on voit que tu es principalement joueur de RPG, si tu pourrais nous citer pour toi le jeu de RPG, qu'est-ce que ça serait et pourquoi ? Le jeu de RPG, pour moi, c'est une façon de s'évader. On incarne un héros. Et donc tout de suite on est ce héros, donc on oublie tous les tracas du quotidien en fait, et donc on vit l'aventure avec lui. Et donc du coup pour moi le RPG c'est un moyen de s'échapper de la vie réelle actuelle. Mais si je peux me permettre, c'est beaucoup plus RPG japonais plus que le RPG occidental. En fait oui, enfin c'est du JRPG, oui, comme on appelle ça. Vraiment où il y a un scénario, un héros, du level up, un peu à la Final Fantasy en fait, comme on pourrait dire. Donc c'est vraiment ce genre de jeu que j'accroche bien. Et justement, vu qu'on parle un peu des différents types de RPG, pour toi, est-ce qu'un MMORPG et un RPG c'est un même jeu ou un même type de jeu, ou ça serait deux types de jeux totalement différents? Non, pour moi c'est totalement différent parce que le MMO ça permet justement d'incarner un héros qu'on contrôle, mais de rencontrer d'autres personnes qui incarnent eux-mêmes leur héros, qui sont totalement différents du RPG où tu vis vraiment une aventure seul avec des compagnons qui te rejoignent, mais c'est vraiment de l'IA, c'est toi qui les contrôles, etc. Donc tu vis leur vie, mais dans le MMO en fait chacun vit sa propre vie, les gens s'entraident ou pas dans un MMO. Voilà pour moi la principale différence entre les deux. Eh bien, merci. Maintenant, donc on va commencer, je dirais, avec la première grosse partie qui est. On va parler d'un de tes plus gros jeux que tu as speedrunné, le nommé Breath of Fire 3. Donc, Est-ce que je peux juste me permettre de demander à Neo comment tu es arrivé au speedrun? Safecore, ça va venir après ça. Ah, excuse-moi. Je te l'ai dit pourtant, c'est pas grave. Donc, Breath of Fire 3, Neo. Alors, en fait, c'était un de mes jeux préférés sur la PlayStation 1. J'avais passé, bah, comme beaucoup de jeux, pas mal de temps. Je passais énormément de temps sur RPG parce que j'aimais bien tout faire. Et donc toutes les quêtes optionnelles, etc. Et j'avais vraiment accroché. On peut en parler directement. Comment est-ce que je suis venu en speedrun directement? Parce que ça en découle. Donc du coup, après l'AGDQ 2013, donc qui est l'OSM Game Done Quick, donc un marathon de speedrun de jeux vidéo organisé par des Américains principalement. Donc du coup, ça m'avait énormément plu et je me suis dit, ouais, c'est impressionnant de voir des gens qui font des choses comme ça, qui terminent des jeux aussi vite, etc. Et je me suis dit, bah pourquoi pas moi, tout simplement. Donc du coup, j'ai commencé avec Final Fantasy VII. Et donc je m'y suis mis en 3 fois parce que c'est vrai que c'était vraiment long. J'avais dû mettre 11 heures ou 12 heures. Donc je faisais 3-4 heures par jour, grosso modo. Une petite pause sur le timer et puis je reprenais le lendemain parce que j'avais pas l'endurance pour. Mais j'étais content, j'avais réussi mon premier speedrun. Et après, bah en fait, en rencontrant du monde sur Twitch, j'avais vu Kanjo qui avait commencé à runner ce jeu-là qui me plaisait énormément. Donc du coup, il avait fait un routing à partir d'un speedrun de David Kay, qui a énormément travaillé sur le jeu, donc qui est un Australien. Et donc du coup, il a énormément travaillé sur le jeu. Et Kanjo a fait un routing à partir de, enfin, a fait des notes à partir de son routing. Et il me les a passées. Donc c'est à partir de là que l'aventure Breath of Fire 3 a commencé. Mais tu parles de routing, le routing ça correspond à quoi dans le speedrun? C'est En le fait, qu'on a une tête de note ou le routing, c'est un chemin bien précis qu'on utilise. Et donc là, c'est plutôt une prise de notes à partir d'un routing. Un routing, c'est un chemin qui est déjà établi en fait par un autre speedrunner. Donc par exemple, il suit la trame principale, mais comme c'est de l'ENI%, on n'est pas obligé de tout prendre. On prend juste l'essentiel qu'il nous faut pour terminer le jeu, le minimum requis, ou si par exemple on a envie de prendre quelque chose en plus, etc. Le but, c'est d'aller le plus vite possible à la fin du jeu. Donc c'est ça, c'est l'ENI%. Et donc il y avait un routing qui était fait à partir de là. Donc Kanjo a fait une prise de notes à partir de ce routing. Et donc sur tes preuves, tu es assez rapidement assez venu performant sur ce jeu, il me semble d'ailleurs. Rapidement, oui et non. On va dire que moi, je suis quelqu'un qui suis jamais content de mes propres runs. Même quand j'apprends, je me sens nul et je déteste ça. Donc du coup, il m'a fallu quand même 3 mois en m'entraînant, je dirais 8-9 heures par semaine. Donc je faisais le mercredi la partie enfant, le samedi la partie adulte, parce que c'est un jeu qui est relativement long quand même. Et donc du coup, pendant 3 mois, 2 fois par semaine, je m'entraînais sur le jeu jusqu'à temps que. Donc j'ai commencé ça début septembre. Ma première full run que j'ai faite était le 1er janvier 2014. Et j'ai eu le world record le 20 janvier 2014. Tu parles de partie enfant, de partie adulte. Comme c'est un jeu qui est pas très connu, il y a peu de monde qui sait qu'est-ce que correspond partie enfant, partie adulte. Est-ce que tu peux nous faire un petit speech sur le jeu d'ailleurs, pour expliquer quelles sont ces parties-là, sans forcément spoiler le jeu, pour laisser le mystère à ceux qui l'ont pas encore fait. Bon, en fait, le jeu se passe en 2 parties. Donc une partie enfant un peu découverte du monde, de l'histoire, etc. Et une partie adulte où on comprend en fait nos origines et on a vraiment un objectif réel. Alors qu'en partie enfant, on n'a pas vraiment d'objectif. Le but est d'avancer point par point. On rencontre des compagnons, etc. Et on avance au fur et à mesure jusqu'à la fin de la partie enfant. Et dans la partie adulte, on a un vrai objectif. Et donc du coup, c'est vraiment une séparation entre les deux parce que vous avez une ellipse, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire une période durant laquelle votre héros, vous ne le contrôlez pas. Donc il passe de la partie enfant à la partie adulte, un petit peu comme dans Zelda, Ocarina of Time en l'occurrence. Donc en fait, la partie enfant, c'est plus ou moins une sorte de tutoriel du jeu au global, et le vrai jeu, c'est plus la partie adulte en final, si je comprends, ou c'est un raccourci que j'ai fait. Non, pas vraiment. On va dire que tutoriel, je dirais pas vraiment parce que on apprend le jeu assez rapidement. Donc la partie enfant fait quand même environ 4 heures, la partie adulte fait 5 heures. Donc on peut dire que c'est la moitié du jeu quand on arrive à la partie adulte. D'accord. Donc on peut dire que le jeu se divise en 2 parties, donc la partie enfant et la partie adulte, et chacun fait une moitié à peu près équivalente. D'accord. Sur Breath of Fire 3, si on y... donc sur le par rapport à toi le speedrun. Il me semble que rapidement t'as obtenu le record du monde, il me semble. Oui, bah, c'est ce que je disais, 20 jours après ma première run, j'ai pris le record de toute façon en voyant la run actuelle, enfin l'ancien world record en fait, comme je disais, je voyais que David Kay prenait énormément son temps dans les menus, dans les combats, il relisait ses notes. En comparant par rapport à d'autres speedruns, je me disais, c'est pas possible, il y a énormément de temps à gagner, le world record est prenable. Et donc du coup, il a fallu quand même s'entraîner un petit peu, apprendre les bases, et puis avoir beaucoup de chance parce que Breath of Fire 3 est un jeu vraiment dur à speedrun. J'ai actuellement 5% de chance de le finir. Les 5% de chance, c'est calculé par rapport à ma moyenne de tentatives échouées et réussies. Donc ça veut dire que j'ai dû tenter 140, 150 runs, quelque chose comme ça, et j'ai dû en terminer 7 ou 8. Enfin, c'est un peu faussé parce que bon, vu que je connais un peu la run, t'as un fort taux de reset, donc c'est-à-dire qu'on recommence le jeu depuis le zéro, donc on arrête la partie en cours parce que tu rates ce qu'on appelle le main sieve qui permet d'échapper une partie du début du jeu, quoi. Mais c'est pas ça, ça a pas arrêté la run sur cette partie-là, donc officiellement tu pourrais potentiellement continuer la run même sans le main sieve, donc. Oui, le main skip est juste là pour faire gagner du temps. En fait, on essaye de suicider son dragon dès le début du jeu, de façon à skipper une animation qui dure entre 30 secondes et 1 minute, suivant l'endroit où on se suicide. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on fait énormément de resets à ce moment-là du jeu, parce que tout de suite, dès qu'on peut gratter entre 30 secondes et 1 minute, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai qu'il y a environ, sûrement, je crois, c'était 8h55, si je ne dis pas de bêtises, j'avais carrément pas fait une mini skip parce que j'en avais marre. Au bout d'une heure, j'étais pas sorti de la mine. Donc, au bout d'un moment, ça joue quand même sur les nerfs. Donc, du coup, j'ai voulu prouver aux gens qu'il était possible de finir une run, voire même de faire un world record sans le mini skip. Et donc, du coup, bah, pari réussi. Et donc, du coup, après, je savais que j'avais énormément de temps à prendre au début. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à avoir un bon temps, les petites astuces qui permettent de faire gagner 15, 20, 30 secondes, 1 minute, il faut vraiment les prendre. Et donc voilà, donc dans mes 140, 150 essais, je n'ai pas compté les mini-skips, bien sûr. D'accord. Et tu dis que justement tu as 5% de chance de réussir d'une run, c'est parce que justement Breath of Fire 3 était un jeu à auto, on va dire, de RNG, donc d'aléatoire, qui peut être très punitif. Oui, en fait, comme on ne farme pas les mobs, on se contente de fuir. Donc on perd énormément de temps sur les fuites. On n'est pas à l'abri d'une attaque des ennemis si on rate nos fuites. On peut mourir sur de simples ennemis qu'on rencontre sur la route parce que on est vraiment bas level. Et donc du coup, il y a des boss qui tapent vraiment très très fort aussi. Donc il y a aussi ce pourcentage de chance. On prend un minimum d'objets. Donc du coup, sur les boss, s'il nous fait des trop gros dégâts ou s'il focus trop le leader. Du coup, ça diminue nos chances de réussite. Tu parles surtout de game over là actuellement là, mais t'as aussi des fois juste parce que le temps est trop très mauvais. Je pense notamment à ce fameux passage de la pêche. Oui, la pêche, on va dire, est un moment presque obligatoire dans le jeu parce qu'il nous permet de, en pêchant deux truites et deux truites arc-en-ciel et en pêchant le manillo, nous permet d'avoir des couteaux d'argent. Les couteaux d'argent font de gros dégâts sur les fantômes dans le manoir, donc un petit peu plus tard. Et donc du coup, il nous faut obligatoirement cette arme pour continuer. Et donc du coup, il faut déjà arriver à repérer les bons poissons, parce qu'il y a différents poissons. Que le poisson ne prend pas notre appât par défaut. Donc du coup, il faut vraiment arrêter l'appât sur le poisson pour qu'il le prenne. Et faire tout ça dans un minimum de temps. Et bien sûr, comme les spots de pêche, on va dire, c'est les endroits où on peut pêcher les poissons, sont générés de manière aléatoire. Il peut aussi qu'il n'y ait pas de truite dans le spot de pêche, donc obligé de ressortir du spot, de l'endroit pour rentrer. Et donc du coup, on perd énormément de temps à chaque fois qu'on rentre au sort. Si un piranha nous chope notre appât, on est obligé de le ramener parce qu'on peut casser la ligne. Donc si on casse la ligne, et ben on a le droit de recommencer au début. Donc la pêche pour moi elle a vraiment un des moments troll du jeu. Parce que justement, on peut perdre énormément de temps à cet endroit-là. Très bien. Steph Core, est-ce que tu as des trucs à rajouter? Non, non, qu'on dirait, écoutez, ça m'a l'air, ouais, quand même d'être, qu'on dirait, un jeu où la part de chance est quand même ouais, vraiment énorme, quoi. C'est vrai que ce qu'on appelle la RNG, c'est-à-dire ouais, le pop aléatoire des ennemis est à peu près courant dans tous les JRPG ouais, classiques, mais c'est vrai que dans celui-là, si en plus tu as la partie pêche en supplément, qui est une obligation qui se met, comment dire, à jouer, ouais, à devoir avoir une chance encore supplémentaire, ça va être quand même très frustrant, quoi. Mais ce que je me rends compte dans le monde du speedrun, c'est la plus grande qualité qui me semble avoir, c'est la persévérance, quoi, et avoir un bon sang-froid. Bah, en fait, ça dépend de ce que tu speedrun. Dans le speedrun de RPG, il te faut de la patience, il te faut de l'endurance, une bonne mémoire et de la persévérance. C'est vraiment des qualités indispensables pour un runner de RPG parce que on part quand même sur de 8, 9, 10 heures, tout dépend le jeu qu'on run. Et donc déjà, faut être capable de rester concentré sur une période aussi longue. Il y a les frustrations parce que du coup on perd énormément de temps parce qu'on rate des fuites, parce que les boss se passent mal, etc. On est frustré aussi parce qu'on fait des game over, donc du coup on est obligé de recommencer tout au début. Donc tout ce qu'on a fait, que ce soit bien ou mal passé, faut qu'on recommence tout, donc ça joue énormément au mental. Et il y a le côté entraînement, l'envers du décor que les gens ne voient pas forcément, où tu passes énormément de temps à t'entraîner de façon à connaître la route par cœur, les menus par cœur. Que tu connaisses tout le jeu par cœur, que t'aies plus besoin des notes au final, pour aller le plus vite possible justement. Donc contrairement à par exemple un Zelda ou un Mario, où il faut énormément d'exé, donc c'est-à-dire réussir des skills frame perfect. Donc frame perfect, c'est-à-dire vous avez une, deux tentatives pour réussir au pixel. Donc là, en RPG, par exemple, vous pouvez tout à fait perdre 1 minute et regagner 3 minutes derrière. Dans un jeu à exé comme Zelda ou Mario, quand vous perdez 15-20 secondes, c'est fini, vous recommencez au début. Donc voilà, pour comparer un petit peu les deux types de jeux. Bon, pour finir, vu que Breath of Fire 3 est pas très connu, quelqu'un qui a jamais joué à Breath of Fire 3 et que tu aimerais lui faire envie d'y jouer, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc sans compter le côté speedrun, mais juste découvrir un Justement, peu le jeu. ouais, c'est un point casual, que le gars qui Voilà. va s'amuser à jouer 50, 60 heures dessus pour finir le jeu, quoi. Donc bien sûr, faut aimer le monde des RPG. Après, si vous aimez le monde des RPG, sachez que dans Breath of Fire 3, vous avez la capacité de pouvoir vous transformer en dragon grâce à des gènes du dragon, et une hérédité bien sûr, en tant que descendant des dragons. Et donc ça c'est vraiment cool. En plus, en combinant différents gènes, vous avez différentes transformations différentes. Et l'histoire est vraiment captivante, surtout au début dans la partie enfant, parce qu'on essaye de, je vais pas trop vous spoiler, mais on essaye de fuir des gens, etc. Et c'est vraiment assez prenant comme jeu. L'OST, donc les musiques du jeu sont vraiment géniales. Donc dès que quelque chose va pas, du coup, avec les musiques qui sont là pour vous rebooster, même en tant que joueur casu, si vous passez énormément de temps à farmer, avec les petites musiques d'ambiance qui sont derrière, c'est vraiment génial. Donc, pour moi, si vous ne connaissez pas et que vous avez vraiment envie de découvrir, je pense que vous allez vous éclater. Il n'y a pas beaucoup de quêtes optionnelles, mais la durée de jeu est relativement impressionnante. Première fois, vous mettez, je pense, 30-40 heures. Peut-être 50 si vous voulez finir avec toutes les quêtes optionnelles. Donc les quêtes optionnelles sont par exemple pêcher tous les poissons du jeu pour avoir des accessoires, des objets supplémentaires. La construction du village des fées. Donc vous aidez des fées à construire un village et puis en échange, elles vous vendent des objets, etc. Donc ça prend pas mal de temps. Donc vous participez à la vie active des fées. Il y a plein de petits boss optionnels qu'il y a un peu pendant tout le jeu. Donc voilà comment résumer un petit peu l'histoire de Breath of Fire 3. Merci. Donc là maintenant, on va parler plus trop du speedrun de Breath of Fire 3, mais de toi, Neo, le speedrunner, et qu'est-ce que tu fais pour le speedrun. Donc on va faire un petit jingle, s'il te plaît, Safecore. Néo, on va commencer simple. Pour toi, quelqu'un qui va se lancer dans le speedrun, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que je peux commencer à parler de la communauté Speedray justement? Tu peux totalement, oui, si tu as envie. Voilà, pour quelqu'un qui voudrait commencer à speedrun des RPG en particulier, on a créé une petite communauté francophone de speedrunners de RPG avec un forum pour justement aider les gens qui voudraient débuter. Dans ce forum, vous trouverez des tutos vidéo, des notes. Les conseils des runners qui sont déjà en place sur différents jeux, sur différents RPG. On a vraiment avec R7, l'idée de base c'était de faire des races entre nous. Donc des races, c'est-à-dire faire découvrir le jeu à des speedruns longs par des races courtes. Donc c'est l'idée de base de speed race. Si je Et peux. du coup, faire des races courtes, par exemple sur Final Fantasy VII, je nomme par exemple. Donc juste l'Escaping Yard, donc c'est à peu près 2 heures de jeu. Donc pour faire découvrir un jeu de 8 heures, c'est plutôt cool. Pareil sur Final Fantasy VIII, Final Fantasy VI, Final Fantasy IX, et puis différents d'autres jeux. Donc si vous avez des conseils, si vous voulez des conseils, etc., n'hésitez pas. Le forum est là pour ça et on est là pour vous aider à démarrer si ça vous intéresse. Et pour ceux qui la connaissent pas, Card 7, c'est une des meilleures speedrunneuses de Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII principalement pour le moment. C'est Ouais. la référence Final Fantasy VII selon moi, même si Agenev a pris le record du monde, Kart a fait énormément pour le speedrun de FF7. Donc ça Mais reste la référence FF7. c'est ça que moi j'ai plutôt un œil néophyte, hein. Je regarde le speedrun, je ne pratique pas. Mais c'est vrai, c'était une chose que j'étais vraiment étonné au tout début, quand justement je me suis un petit peu intéressé via Aldra au speedrun. C'est, on pourrait croire que justement, comme c'est une tentative d'aller plus vite, de recherche, d'optimisation, on pourrait penser que c'est un, entre guillemets, ouais, une égoïste. C'est que chacun essaie d'améliorer son temps et de battre l'autre. Et au final, je me suis rendu compte que ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il y a un gros esprit de communauté, de partage de notes, de partage d'astuces. Chose qui, justement, on va dire, dans un système qu'on dirait compétitif, c'est assez étonnant. Et pour les gens qui pourraient craindre que, justement, ce soit un milieu refermé sur soi, justement, pour ce côté compétitif, c'est absolument faux, quoi. Il y a une entraide absolument géniale. Tout à fait, bon, j'en parle à titre personnel. Vu que je speedrun Final Fantasy VI à mes heures perdues. Moi, on est souvent en fait content quand un collègue il améliore son temps, même s'il nous bat nous-mêmes. Il y a le petit côté décisif d'à côté parce qu'il y a peu de compétition, mais c'est compétition amicale quoi. Mais après, quand un trouve quelqu'un, quelque chose, on va tout à vite le partager, voir s'il y a encore moyen d'aller encore plus loin derrière la chose, etc. pour au final en fait. Améliorer l'ensemble des temps et avoir une run de plus en plus spectaculaire au final, parce qu'au final, speedrun, certes, il y a un côté compétition, mais il y a aussi pas mal de côté entertaining ou de montrer des choses sympathiques pour un public. Ce que je voulais rajouter, c'est que ça nous motive aussi de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent au même jeu que nous. Ça donne un regard différent, parce que même si on pense à des strates, du coup, s'il y a d'autres personnes qui arrivent et donc qui peuvent penser à d'autres strates, etc., donc ça aide à l'évolution du jeu, comme tu disais, Aldra. Même si quelqu'un nous bat, ça nous motive encore plus parce qu'il y a ce côté compétition, mais il y a ce côté aussi motivation, on se motive les uns les autres. Parce que c'est vrai que quand tu es tout seul à speedrun un jeu, à part améliorer ton propre temps et à penser à toi-même à des nouvelles strates, il n'y a pas grand-chose à faire. Au final, ouais, tu as l'impression d'être seul contre le monde et de temps en temps, ça peut être un peu démotivant au final, quoi. Donc, Ouais, c'est ce qui est arrivé à l'ancien World Record de Breath of Fire 3, donc David Kay. Il a fait énormément pour le jeu, mais il était tout seul à bosser dessus. Donc du coup, il a abandonné, puis il est passé vraiment à autre chose. Même quand je l'ai battu, ça ne l'a même pas remotivé pour revenir. Donc c'est vraiment dommage. Sinon, Néo, tu as l'expérience du routing, parce que tu as amélioré le routing de Breath of Fire 3, mais je pense aussi au routing de Suikoden 2 que tu as amélioré également. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ce. En fait, moi j'aime bien laisser ma marque quand j'arrive dans un jeu, c'est-à-dire que j'aime pas juste suivre des notes qu'on m'a données. Je réfléchis énormément et puis je me dis tiens, on pourrait faire ça, ça serait mieux, etc. Et donc c'est à partir de là que ça commence, à partir de nouvelles idées, que par un nouveau routing. Mais le nouveau routing, par exemple, de Suikoden 2 ne vient pas vraiment de moi. Donc on regarde aussi beaucoup les Japonais qui sont très souvent en avance par rapport à nous sur les notes, les découvertes de strat, etc. Donc à partir de leurs idées, on peut trouver de nouvelles idées. C'est ce que je disais en fait, quand on est plusieurs à penser sur un jeu, du coup on découvre des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de jouer. Puis ça nous oblige à revoir toute la route qu'on utilise actuellement, par exemple sur un jeu, juste à cause d'une nouvelle idée. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans le speedrun, c'est que c'est pas figé. Vous avez une route, mais si quelqu'un trouve une nouvelle idée, elle peut totalement changer. Et merci. C'est encore une chose à ajouter là-dessus ou je Non, pense. non, Ok. bah c'est sympa de voir que le speedrun, c'est tout le temps comment dire, en évolution. C'est pas, on pourrait se dire que y a un chemin de tracé tout le monde va suivre le même. Au final, c'est tout le temps en mouvement, peu importe quasiment la run, sauf quelques-unes en dehors. Mais c'est vrai que je pense que dans le RPG ou JRPG en général, tu as une évolution, comme tu disais, sur le mapping, même sur certaines petites strates qui évoluent en permanence, quoi. Ça rend quand même, je pense, le RPG plus intéressant, bien que, comme tu disais, il faut beaucoup d'endurance pour soutenir 6 ou 8 heures de continu. Mais au moins, c'est tout le temps ouais, une évolution permanente et des brainstorming entre chacun pour faire évoluer. Ça me paraît être, comment dire, un speedrun plus sympathique si on ne veut pas être simplement comment dire, dans le compétitif et savoir qu'il n'y a qu'une seule route à suivre. Puis même, il n'y a pas forcément besoin de speedrun le jeu pour avoir des idées. Rien que, je me rappelle de ça il y a environ un an, il y a un de mes viewers qui est arrivé sur le chat, il me fait, bah pourquoi tu fais pas ça? Je réfléchis, je fais, bah je sais pas, parce que c'est plus rapide. Il me fait, bah non, j'ai l'impression que moi c'est plus rapide. Et juste parce qu'il a joué au jeu au casu, ça m'a aidé justement et ça a fait gagner presque 2-3 minutes sur la run actuelle. Et c'est vraiment cool de voir que des personnes qui n'y connaissent vraiment rien en speedrun peuvent participer quand même à leur façon à l'évolution du speedrun de part de leurs idées, de leur expérience sur le jeu. Et ça, c'est vraiment sympa, ça. L'arrivée de Twitch a vraiment aidé, même à faire un petit peu plus connaître le speedrun. Et en même temps, ouais, Twitch a été vraiment une bonne chose, justement, comme là tu as pu en avoir, ou comme moi, de m'y intéresser. C'est vrai qu'auparavant, on avait quelques podcasts ou émissions sur YouTube pour en faire quelques présentations. Mais c'est vrai que Twitch est quand même plus sympa pour fédérer. Et en même temps, j'invite les gens à aller pour ceux qui ne sont pas du tout ouverts au speedrun, justement d'ouvrir une page Twitch, de regarder, parce que même les interactions lorsqu'une run est en train de se faire en direct sont vachement sympathiques. Ça permet de voir ouais, des grosses dextérités, de voir que découvrir un jeu, et en même temps, c'est pas comment dire en full vitesse, mais c'est assez impressionnant et ludique de regarder du speedrun. Oui, et puis aussi c'est très convivial parce que le speedrunner n'est pas enfermé dans sa bulle pendant le speedrun. Il dialogue aussi avec le chat, il participe, il salue principalement tous les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants sont bien accueillis, etc. Donc ça reste quand même le côté speedrun, donc la volonté de battre son propre temps ou battre le record du monde. Mais il y a ce côté aussi interaction avec le chat, où le streamer, donc la personne qui joue, n'oublie pas qu'il y a aussi du monde qui la regarde et qui participe, etc., sur le chat. Donc il y a ce côté concentration sur la run et aussi ce côté interaction avec le chat. C'est ce qui fait vraiment la différence avec Twitch, c'est qu'on fait vivre aussi le chat avec l'interaction avec les viewers. Donc les viewers se sentent proches du streamer, donc la personne qui joue, et la personne qui joue se sent proche aussi de son chat. Je dirais même qu'en fait Twitch vraiment a vraiment permis le speedrun parce que avant c'était surtout les trucs de scoring dans les salles d'arcade, ce genre de choses où L'objectif, c'était plutôt d'être celui qui a le meilleur score sur la salle d'arcade, j'ai envie de dire. Mais le speedrun en lui-même, il a peut-être existé, mais c'était très connu dans l'ombre, etc. Alors que justement, avec Twitch et les gros marathons qui ont permis de le promouvoir, comme la GDQ, pour ne pas les citer, ont permis l'explosion du truc et ça permet justement des gens comme Néo quoi, de faire le speedrun de Breath of Fire 3 par exemple et d'avoir leur public. Et je dirais même que sans le chat, faire une run de RPG qui se compte de plus de 5 heures pour la majorité, ça serait extrêmement difficile parce que soit tu te fais la RNG n'est pas favorable, il y a des choses qui passent mal, etc. Donc le chat te permet de garder la volonté de continuer, de persévérer. Oui, c'est exactement ça. Donc ça nous motive énormément de voir qu'il y a du monde qui nous soutient. Parce que même moi, quand je vais voir d'autres runners qui font d'autres jeux, du coup, on vit la run avec lui. Il la fait pas tout seul. Quand il fait game over, on est déçu pour lui. Quand il passe un bon truc, on est content pour lui. Donc on vit vraiment la run avec lui. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un échange. Un échange équivalent au niveau du streaming et donc de Twitch par exemple. Et ça, c'est vraiment cool. On se motive les uns les autres, on vit la run ensemble. Ah ouais. C'est même mieux que de regarder un film en fait. Ah ouais, je me souviens, il y a quelques jours, il y a Kayosh qui a battu son meilleur temps sur Final Fantasy IX. À la fin, j'étais aussi stressé que lui en espérant que la fin de la run allait bien se passer. Vraiment, il rate quelque chose, il lui fallait une stratégie de repli pour corriger ses erreurs. Limite, il y a tout le chat qui allait sur les pages internet pour trouver quelque chose pour compenser pendant que lui continue de son côté, quoi. Et heureusement, on a réussi à trouver, quoi. Et donc, c'est un vrai partage. Donc, c'est autant que du streamer vers le public que le public vers le streamer. Néo, passons maintenant un peu du quotidien du speedrun. Parce que autant il y a la partie principale qui est de faire des tentatives de run, mais derrière aussi l'entraînement, le quotidien avant de préparer le côté, on va dire préparation des runs. Je parle pas du côté routing parce que ça on a déjà plus ou moins abordé, mais comment tu fais pour t'entraîner à réaliser une run? Quelles sont tes habitudes Quelle est la façon pour toi qui est la meilleure à faire? En fait, on a tous des méthodes de travail un petit peu différentes au niveau du speedrun. Moi, pour ma part, j'apprends le jeu en découpant le jeu partie par partie. Donc, on parlait tout à l'heure, par exemple, de Breath of Fire 3, donc partie enfant, partie adulte. Ça, c'est deux parties. Ensuite, ces deux parties-là, je les divise en plusieurs parties, de façon que ce soit pas très long, donc environ 1 h 30 par partie. Donc ça permet d'apprendre plus facilement le jeu et de s'entraîner par exemple sur 7-8 parties d'une heure et demie, donc sur toute une semaine, plutôt que de s'entraîner sur 8 heures d'affilée sur lesquelles on peut faire des erreurs, etc. Donc pour moi, au niveau de l'apprentissage, je trouve que de diviser une run par segment et de travailler segment par segment, de façon à améliorer segment par segment, aide énormément à l'apprentissage du speedrun de RPG. Donc je fais à peu près un entraînement d'une heure et demie par jour suivant le jeu. Après, une fois qu'on connaît bien la route, c'est pareil, faut pas oublier, parce que si vous passez plusieurs mois sans finir le jeu, il faut continuer quand même à travailler la partie que vous ne faites pas, parce que vous allez très bien maîtriser le début du jeu. Et à la fin du jeu, vous allez vous dire, bah merde, je dois passer par où, qu'est-ce que je dois faire? Et donc du coup, ces petites pertes de temps-là peuvent vous coûter le temps à la fin. Et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je continue à m'entraîner régulièrement 1 h 30 à 2 h par jour, suivant les jeux, de façon à ne pas perdre la main sur les jeux. Et même pour l'apprentissage des nouveaux jeux, de travailler CD par CD ou segment par segment, ça aide vraiment énormément pour moi, je pense. Sauf qu'il y a une chose à rajouter ou Moi c'était ouais, si j'ai des questions, c'est un tout petit peu plus perso par rapport au speedrun, mais. Vas-y, vas-y, justement, on est un peu là pour ça. Ouais. Est-ce que tu as dans le monde du speedrun un modèle, quelqu'un que tu on va dire pas entre guillemets ton idole, mais une personne dont tu es plutôt fan ou qui tu pourrais être, ça pourrait être un point référent pour toi. Un point référent, non, mais j'admire plusieurs personnes de par leur façon de travailler. Je vois par exemple Luz Bellheim qui a le record de Final Fantasy VIII et de Final Fantasy IX. Il a un menuing qui est vraiment monstrueux. Un menuing, c'est-à-dire changer tes équipements, changer tes skills, utiliser des objets, etc. Mais pour ça, il travaille énormément et on le voit à peine faire les actions qu'il les a déjà terminées. Et ça, pour moi, c'est vraiment impressionnant. Ça me donne. Je sais très bien que j'arriverai jamais à son niveau, mais c'est vraiment des références comme ça. Par exemple, quelqu'un qui est très très fort au niveau du menuing, quelqu'un qui anticipe beaucoup, quelqu'un qui sait animer son stream aussi. Donc du coup, il y a beaucoup de runners qui m'inspirent parce que de toute façon, il y en a qui sont. On peut pas être le meilleur partout de toute façon. Donc il y en a qui sont très très bons en menuing, il y en a qui savent très bien animer leur stream, il y en a qui savent pas perdre leur sang-froid. C'est-à-dire que par exemple quand quelque chose se passe mal, boum, on réagit direct et on trouve tout de suite quelque chose pour ne pas perdre de temps. Et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Donc je m'inspire de beaucoup de runners de façon à pour moi, rendre la meilleure run possible. C'est pour ça que je suis un runner sérieux, je pense, dans ce que je fais. Il y a des runners qui jouent vraiment à la cool, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Moi, je rends vraiment quelque chose de beau et intéressant. Et faut encore que je travaille sur beaucoup, beaucoup de choses. Je pense notamment à mon menuing, je suis vraiment lent, lent menuing, et à mon anglais, parce qu'il y a beaucoup de viewers anglais ou américains qui arrivent sur le chat. Et il faut interagir avec eux, etc. Parce que il n'y a pas que la communauté francophone qui s'intéresse aussi au speedrun. Il y a aussi des viewers américains, anglais qui viennent nous voir. Et faut être capable de leur répondre quand ils posent des questions, d'interagir avec eux, tout en restant concentré sur la run. Ouais, parce que ça arrive régulièrement qu'il y ait des non francophones qui viennent sur nos streams parce que. Un truc qui est vachement connu, c'est par exemple c'est Speedrun Live. Je mettrai sûrement le lien à la fin en note. C'est un site où ça regroupe plus ou moins les speedrunners qui sont actuellement en train d'essayer de faire des entraînements, des tentatives de run, quel que soit le jeu, pas forcément des RPG, mais des jeux à exécution. Et donc on voit directement suivant la façon dont on affiche le site, soit les personnes, soit les jeux directement. Donc si on est intéressé par exemple du Super Mario 64, on filtre par jeu, on va sur du Super Mario 64, on va voir les runners, et donc on peut très bien tomber sur du français, de l'américain, du japonais, etc. Donc finalement c'est quelque chose de très international, et l'anglais est très important au final en fait. Et si on parle que français ou que sa langue, on va rapidement se fermer à un certain nombre de personnes et ça sera plus compliqué de s'améliorer, d'avoir un chat intéressant, ce genre de choses. Sinon, moi, j'avais une autre question, mais tu sais, il faut forcément, même dans un podcast ou tout autre média, la question polémique, mais depuis le début, on entend plein de choses positives sur le speedrun. Mais est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais, quelque chose qui pourrait évoluer d'un côté plus positif dans le speedrun, ou des choses que tu n'aimes pas dans le speedrun, ou des évolutions que tu aimerais voir? En fin de compte, je vois qu'il y a, par exemple, dans Twitch, il y a beaucoup de gens qui sont partenaires, etc. Parce que justement ils font beaucoup de vues, ils streament des jeux récents ou ils streament des jeux extrêmement connus. Donc c'est pour ça à la base qu'on a monté aussi le groupe Speed Race. Donc c'est pour aider sous les speedrunners francophones à se faire connaître. Parce que je connais beaucoup de speedrunners qui sont vraiment très bons et qui ont 2-3 personnes sur leur stream et qui méritent quand même beaucoup plus que quelqu'un qui fait du MMO très connu, par exemple, pour ne pas citer de nom, et qui font 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 personnes, 100 000 personnes, et, alors qu'il y a des personnes, selon moi, qui méritent beaucoup plus. Qu'ils n'ont à l'heure actuelle, donc c'est ça en fait. Moi j'aimerais bien que le speedrun soit réellement reconnu à l'équivalent des gros MMO qui sont joués et qui sont qui a des tournois, etc. Donc vraiment participer à l'évolution du speedrun de RPG en général, c'est vraiment ça mon objectif dans quelques années, c'est de participer au développement de la communauté francophone dans un premier temps. Que pour moi c'est très important parce que je vois il y a beaucoup de marathons comme AGDQ, AGDQ, donc qui sont des gros marathons organisés par les Américains. Et j'aimerais bien qu'on organise un marathon comme ça en France et que la communauté française de speedrun soit reconnue à l'équivalent des gros streamers américains par exemple. Ouais, la AGDQ, bah c'est comme ça que j'ai vraiment pu suivre un petit peu plus le speedrun, c'est grâce à la GDQ. En plus, bah, pour ceux qui ne connaîtraient pas la GDQ, ce n'est pas qu'un simple marathon, c'est aussi caritatif. Des dons sont... Il y a des dons durant toute la semaine où la GDQ est faite, qui sont donnés, récoltés pour ensuite soit Médecins Sans Frontières ou d'autres œuvres caritatives, et qui marchent très bien. Ils arrivent désormais à dépasser le million de dollars très très aisément, ce qui est quand même assez considérable. Et c'est vrai qu'en France c'est dommage, parce que autant les GDQ sur les sites de jeux vidéo généralistes, elle est suivie, mais c'est vrai qu'après donc à ce moment-là on entend parler de la communauté de speedrun américaine, mais la communauté speedrun française est quand même, on n'entend quasiment jamais parler, quoi, malheureusement. Et c'est vrai qu'il faudrait un gros effort, et même que justement les gros sites internet de jeux vidéo se penchent un petit peu aussi sur cette communauté qui rend le jeu vidéo vivant en France et dans tous les pays francophones. Si vous avez d'autres choses à rajouter. Non, moi pour ma part c'est bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi j'ai pas d'autres questions en tête, donc je pense qu'on on va s'arrêter là. Donc Néo, où est-ce qu'on peut te retrouver? J'utilise ma chaîne Twitch, donc sur laquelle je stream assez régulièrement. Et sinon, pour vous tenir au courant de quand est-ce que je stream sur ma chaîne Twitch, vous avez mon Twitter sur lequel un message est envoyé quand je commence à streamer. J'ai aussi ma chaîne YouTube et puis mon compte Facebook, donc il est tout à fait possible de... Mon compte YouTube me sert pour publier mes anciens records, mes vidéos, mes entraînements, etc. Sur mon compte Facebook, c'est les dernières news, donc ce que je compte faire dans le futur, si j'ai battu un record, etc. Donc c'est surtout au niveau des news pour les personnes qui peuvent juste jeter un coup d'œil de temps en temps pour se tenir au courant de ce que je fais. Donc mon compte Twitter, donc pour quand est-ce que je stream, je retweet aussi les records français, etc. Donc au niveau du RPG francophone. Et bien sûr ma chaîne Twitch où je stream assez régulièrement. Donc en note du podcast, je mettrai en lien donc tes différents comptes Twitch, Facebook, Twitter. Pour ceux qui sont intéressés, je vais également mettre donc en lien le forum de Speed Race, la page principale donc de Speedrun Live pour ceux qui seraient intéressés pour en découvrir un peu plus, et ceux qui sont intéressés par la GDQ, je mettrai aussi le lien de la prochaine GDQ qui d'ailleurs a lieu en janvier prochain, il me semble, la prochaine. Donc, ils sont déjà en train de préparer, de savoir qui seront les prochains runners qui vont arriver, etc. Et quant à nous, Steph Core, où est-ce qu'on peut te retrouver toi? Sur Twitter, @StephCore, et on peut m'entendre dans le podcast à l'affiche, et aussi dans des épisodes de On lâchait bien les endives, donc podcast que je vous invite à écouter. À l'affiche est un podcast parlant cinéma, et On lâchait bien les endives est un podcast on va dire ouais, typé jeu en question question réponse, et hyper sympathique, donc j'invite tous les gens à le voir. Et en même temps, bah, je vais te remercier Aldra pour cette émission. Je suis quand même assez content d'y participer, parce que même si je suis pas speedrunner, je trouve que c'est une très belle initiative de pouvoir tenter de faire découvrir à tous, et même de pouvoir, pour ma part, des gens que je suis sur Twitch, et je suis pas un gros actif sur les chats, ça, je... et au moins de pouvoir avoir en contact direct. En plus là c'était un Sartois, donc je suis très heureux. Donc le podcast Speedrunner, l'envers du décor, la première, et donc se termine ici. Donc vous pouvez nous retrouver donc sur notre compte Twitter Speedrunner EDD, notre page Facebook aussi, donc Speedrunner EDD également, et on se met également présente sur PodCloud, et normalement on verra pour iTunes, mais ça devrait pas poser trop de problèmes non plus. Voilà. Oui. Si je peux juste porter une remarque, comme c'est la toute première émission, c'est vraiment le, entre guillemets, le pilote. Si les gens, vous avez à la fin de l'émission des remarques ou autres, des commentaires à faire, n'hésitez pas, que ce soit sur Twitter ou autre, on est preneur. S'il y a des choses que vous aimeriez voir améliorer, je pense que justement, tout comme le speedrun, et on écoute sa communauté, on en fera de même. Exactement. Et sur ce, nous allons nous quitter sur... la chanson préférée de Neo de Bravo Fair 3, Pure Again, si me le semble, si je me trompe. Oui, pas. C'est l'ending en fait, quand il y a un rituel en fait dans la communauté francophone, quand on termine le jeu sur notre meilleur temps ou sur un record du monde, on chante à la fin. Donc je massacre un petit peu la chanson à chaque fois, c'est un petit peu dommage. C'est très marrant pour. On massacre chacun notre chanson, chacun son tour. C'est bon, c'est pas un speedrun, t'auras pas besoin de la massacrer. Je te rassure. Merci. Bon, merci à tous, et donc à la prochaine. Ciao, ciao.